Le fou qui vend la sagesse. Fable numéro 8 du livre 9e des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le fou qui vend la sagesse. Jamais auprès des fous ne te mets à portée. Je ne te puis donner un plus sage conseil. Il n'est enseignement pareil à celui de fuir une tête éventée. On en voit souvent dans les cours. Le prince y prend plaisir, car il donne toujours quelques traits aux fripons, aux sots, aux ridicules. Un fol allait criant par tous les carrefours qu'il vendait la sagesse et les mortels crédules de courir à l'achat. Chacun fut diligent. On essuyait force grimaces, puis on avait pour son argent, avec un bon soufflet, un fil long de deux brasses. La plupart s'en fâchaient, mais que leur servait-il? C'étaient les plus moqués. Le mieux était de rire ou de s'en aller sans dire avec son soufflet et son fil. De chercher du sens à la chose, on se fut fait siffler ainsi qu'un ignorant. La raison est-elle garant de ce que fait un fou? Le hasard est la cause de tout ce qui se passe en un cerveau blessé. Du fil et du soufflet portant embarrassé, un des dupes un jour alla trouver un sage, qui, sans hésiter davantage, lui dit « Ce sont ici hiéroglyphes tout purs, les gens bien conseillés qui voudront bien faire, entre eux et les gens fous mettront, pour l'ordinaire, la longueur de ce fil, sinon je les tiens sûrs de quelque semblable caresse. Vous n'êtes point trompé. Ce fou vend la sagesse. » Fin de Le fou qui vend la sagesse. Fable 8 du livre 9e des fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.